Bonjour à tous. Vous avez choisi la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal en français dont voici les grandes articulations. L'appel lancé au gouvernement burundais de ne pas modifier la constitution est apprécié par l'OLUCOM. Le chef de cette association dit que le moment n'est pas opportun et il en profite pour demander au gouvernement de participer dans le prochain round des négociations pour trouver une issue à cette crise. La CVR a choisi six lauréats de la faculté d'histoire pour aider cette commission dans la recherche documentaire sur certains cas d'assassinat qu'a connu le pays. Mais ce choix n'est pas bien apprécié par l'AMEPESI, une association qui prône la protection de l'humanité, qui indique que ces volontaires n'auront pas de professionnalisme car ils n'ont pas eu de formation de la part de la CVR. Aucun malade ne devra payer une caution avant d'avoir été consulté par un médecin. Cela a été dit par la ministre de la Santé qui invite les gardes malades à relever les cas de non-assistance commis par ses prestataires de santé afin de les dénoncer. Une pluie mélangée à de la grêle a endommagé plus de 90 hectares de haricots dans la province de Gitega et les cultivateurs de cette province demandent une assistance en semences avant que la période de semis ne s'achève. Ce journal vous sera présenté par Ali Danda Ikeza et Séraphine Hakizimana assure la mise en onde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore. Commençons ce journal par la page Droits de l'Homme. Six lauréats de la faculté d'histoire ont été recrutés par la commission Vérité et Réconciliation pour faire une recherche documentaire dans le cadre de la recherche de la vérité sur les événements qui ont endeuillé le pays. Parmi les dossiers qui feront objet d'enquête figurent ceux de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, l'assassinat de l'ancien premier ministre Pierre Ngendandumwe et autres. Suivez le président de la CVR, Mgr Jean-Louis Nahimana. C'était au cours d'une conférence de presse. Nous sommes en train de rassembler tous les documents qui traitent des différents dossiers comme le procès sur l'assassinat du prince Louis Gwagasore, le massacre des syndicalistes autour de Kamenge, il y a l'assassinat du premier ministre Pierre Ngendandumwe, il y a la tentative de coup d'état d'octobre 1965, il y a le massacre des Tutsis à Muramvya en octobre 1965, la répression des Hutus, il y a le procès des cadres Hutus en 1965, il y a le complot de 1969, il y a le procès des Tutsis de Muramvya en 1971, il y a les événements de 1972, les événements de Ntegamarangara, il y a l'assassinat du président Dadaye et les massacres qui s'en sont suivis et la guerre qui en a suivi, qui a duré jusqu'en 2008. Comme vous le voyez, il s'agit d'un travail très fastidieux qui va continuer tout le long de cette année, mais un travail qu'on a déjà amorcé. Toujours dans la recherche de la vérité sur notre passé, la commission Vérité et Réconciliation est en train de mener une recherche documentaire assez fouillée qui s'intéresse aux grands événements qui ont endeuillé notre pays. À cet effet, nous avons recruté six lauréats de la faculté d'histoire de l'Université du Burundi qui ont bien accepté de venir collaborer avec la commission Vérité et Réconciliation dans cette recherche documentaire. Et l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, AMEPESI Girubuntu, salue l'initiative de la CVR d'engager les volontaires pour contribuer dans ces activités. Aloïse Batungwanayo, président de l'AMEPESI Girubuntu, dit que les obstacles ne manquent pas car ces volontaires n'ont pas eu une formation continue et un suivi continu et rigoureux de la part de la CVR et que ces volontaires n'auront pas de professionnalisme dans ce travail. Suivez Aloïse Batungwanayo. Nayor, président de l'association AMEPESI Girubuntu. C'est d'abord remercier la commission Vérité et Réconciliation pour avoir finalement pris cet engagement. Faute de moyens, ils ont dit voilà, on va engager les volontaires. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais bien sûr, qui ne manque pas d'obstacles, qui ne manque pas de défis. Les défis, c'est que ce personnel volontaire, issu des milliers associatifs ou religieux, seront des gens qui n'auront pas un contrat contraignant, qui ne seront pas payés, qui n'auront même pas une formation, j'allais dire, une formation continue. continu et un suivi continu et rigoureux de la part de la Commission Vérité et Réconciliation. Cela fera que ces volontaires vont travailler, et il faut le dire, ils vont travailler parce qu'ils travaillaient même sur ce dossier pour la plupart. Ils travaillaient sur le dossier du traitement du passé. Ils vont travailler, mais la profession, la rigueur va, il faut le dire, manquer à ce travail. Mais ce qui ne veut pas dire que le travail ne sera pas fait. Il sera fait, disons, c'est une estimation, disons, à 60%, 50%, mais pas à 90%. Donc, il y aura des obstacles, des défis. Si la CVR pouvait avoir l'office que des moyens de suivi, le travail pourrait bien être amélioré plus que maintenant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Continuons ce journal par la page santé, et aucun médecin ou infirmier n'a le droit d'exiger une caution à un malade avant la consultation. Cela a été dit ce jeudi par la ministre de la Santé publique lors de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Dr Josiane Nijimbele rappelle que la mission principale de ces prestataires de la santé est de traiter la maladie et les autres questions viennent après. Elle demande aux gardes-malades de cibler les noms de ces prestataires collés sur leur badge pour qu'ils soient punis. Suivez la ministre de la Santé publique, Dr Josiane Nijimbele, dans la traduction de Mireille Kanyange. Vous avez dit qu'on exige des cautions aux malades dans les hôpitaux comme Roi Khaled et Prince Régent Charles. Je l'ai déjà dit et je le répète, s'il y a encore un médecin ou un infirmier qui exige de l'argent avant de soigner les malades, qu'ils soient identifiés. Tout prestataire de santé est appelé à consulter d'abord le patient. S'il est alité, c'est alors le tour au garde-malade de régler les frais. Que l'argent soit demandé aux concernés, mais que le malade soit d'abord soigné. Aucun prestataire n'a le droit d'exiger une caution avant de consulter un malade. Le malade doit être accueilli d'urgence pour qu'il soit d'abord soigné et le reste c'est après. Là où ce n'est pas ainsi, ces prestataires de soins portent des badges sur eux. Vérifiez leur nom, ciblez-les pour une sanction irrelative. La cour d'appel d'Ngozi a maintenu en détention le major José Runyange, cet officier des forces de défense nationale arrêté sur le dossier de l'attaque du camp militaire de Mukoni en province Muyinga. Ce major est accusé de complicité dans l'attaque de ce camp militaire. Et l'officier de l'armée Nicolas Budigi a été renvoyé du contingent burundais de maintien de la paix en Centrafrique. Cette information est confirmée par le porte-parole de l'armée burundaise. Le colonel Gaspard Valatouza indique que ce major a été victime d'informations mensongères qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h04 à Bujumbura. Continuons avec ce journal par la page politique. L'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique se dit satisfait des résultats du troisième round de dialogue à Arusha. Gabriel Rufiri, président de cette organisation, apprécie la déclaration dans laquelle le gouvernement est appelé à ne pas amender la Constitution ou plus vite et où la communauté internationale est appelée à venir en aide à la population burundaise menacé par la famine. Ce président de l'OLUCOM indique toutefois que dans les prochaines rencontres, le gouvernement burundais devrait répondre à l'invitation du médiateur. Suivons le chef de l'OLUCOM. Nous avons d'abord apprécié l'agenda parce que c'est un agenda auquel nous avons participé dans l'élaboration, sauf qu'il y a un point qui a été omis. Ce point-là concerne le mécanisme de suivi des résultats des pourparlers, parce que nous avons vu que parmi les problèmes qui ont dérangé les accords d'Arusha, c'est l'abandon précoce du mécanisme de suivi de l'accord d'Arusha, ce qui a poussé que certaines clauses des accords d'Arusha n'ont pas été mises en œuvre. Deuxièmement, ce que nous avons apprécié, d'abord par rapport à la déclaration ici de ces pourparlers, cette déclaration contenait 10 points dans lesquelles il y a un appel au gouvernement de ne pas amender la constitution dans les médias, mais aussi il y a un appel sur la communauté internationale de venir en aide à la population burundaise. Troisièmement, nous avons dit que comme il y a des obstacles, comme le refus du gouvernement de participer au pourparlers, il a annoncé qu'il va saisir les chefs d'État pour contraindre toutes les parties à venir au pourparlers. Donc, pour moi, on a été satisfait du déroulement, sauf que le gouvernement, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ne veut pas participer, alors que c'est le premier normalement qui devait le faire parce que c'est lui qui est comptable de tout. Peut-être pour terminer, je voudrais vous dire que la société civile a été oubliée. Nous voulons que la société civile, les femmes, les jeunes, puissent être associées dans les pourparlers prochains. C'était Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM. De son côté, le président de PISC Burundi, une autre organisation de la société civile, déclare qu'ils n'ont jamais soutenu le dialogue conduit par Mukapa car il viole certaines résolutions. Pour Jean-Marie Ndouimana, le gouvernement a bien fait de ne pas prendre part à ces travaux. La PISC Burundi n'a jamais accepté les dialogues dirigés par son excellence ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, qui viole les deux résolutions des Nations Unies 2248 et 2279. Aussi, la PISC Burundi n'a jamais accepté que les putschistes et les fauteurs de troubles ne doivent pas être invités devant la table pour parler des dialogues. Donc la PISC Burundi saisit cette opportunité pour saluer et remercier, bien sûr, le gouvernement du Burundi pour n'avoir pas pris part à ces travaux pour l'honneur du pays. Car nous savons que le gouvernement actuel est issu des élections de 2015. Pour quiconque qui croit à un gouvernement de transition, se trompe fort. Plutôt, celui ou celle qui croit à ça est invité à revenir à la raison et rentrer au Péricaï pour conjuguer ensemble nos efforts pour préparer les élections de 2020. Est-ce que vous croyez que ne pas participer au dialogue est pour vous une meilleure solution pour trouver des réponses aux problèmes qui s'observent dans le pays? Non, tout d'abord, il faut comprendre deux choses. Il faut différencier le mot dialogue, le mot négociation. Le concept dialogue reste un mot impératif et pour tout le peuple burundais, pour quand même construire notre pays. Mais négociation n'a pas raison d'être actuellement. Il y a des gens qui ne doivent pas être invités devant la table de dialogue. Nous invitons chaque fois le gouvernement de ne pas participer à ces dialogues qui violent les lois et les règlements. Mais le gouvernement a toujours dit qu'il est pour le dialogue. Bien sûr, mais ces dialogues doivent être observés sous les yeux de la loi. Oui, à vous entendre, on dirait que vous devenez aujourd'hui le porte-parole du gouvernement. Non, écoutez s'il vous plaît. La vérité reste une vérité. Si nous disons que les fauteurs de troubles et les putschistes ne doivent pas être invités devant la table de dialogue, est-ce que ce n'est pas une réalité? Il ne faut pas encourager l'impunité. Il faut demander que la justice fasse son travail pour tout le peuple burundais. Isanganiro. Commençons le tour des correspondants en nous rendant à Rumonge. Les cultivateurs du haricot volubile qui n'ont pas encore sémé en province Rumonge accusent déjà un léger retard. Savin Sabimana, chargé de la formation et de la vulgarisation agricole à la DPAE Rumonge, l'a déclaré ce mercredi. Se référant aux prévisions saisonnières récemment publiées, il conseille aux concernés de finir avec le sémi. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Selon Savin Sabimana, chargé de la formation et de la vulgarisation agricole à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Rumonge, le haricot volubile a besoin de 3 mois de pluie pour donner de bons rendements. Or, les prévisions saisonnières de la pluviométrie de mois de mars, avril et mai 2017, correspondant à la saison culturelle B, situent la fin de cette saison pluvieuse au cours de la première quinzaine du mois de mai 2017. Ainsi, selon Savin Sabimana, les cultivateurs de haricots volubiles doivent parachever le semis pour espérer de bonnes récoltes à la fin de la saison culturelle B. Pour le haricot nain, les cultivateurs sont encore dans la marge car ce type de haricot n'a besoin que de 2 mois de pluie. Dans une réunion de ce mercredi avec les agronomes communaux, les conseillers techniques au développement dans les 5 communes de la province de Rumonge, la société civile et la plateforme communale de Rumonge, Savin Savimana, a insisté pour que cette information parvienne aux cultivateurs le plus éloigné et le plus rapidement possible afin de s'y conformer. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Misago et continuons à Gitega où environ 95 hectares de haricots qui commençaient à pousser ont été emportés par une pluie mélangée de grêle ce mercredi dans l'après-midi sur la colline Tchadilé de la zone Vitale commune Bugendana de la province de Gitega. Ce bilan est dressé par le directeur de la DPAE Gitega et les cultivateurs demandent qu'on leur donne d'autres semences à planter. Arthur Kavavouchi. Selon le directeur de la DPAE Gitega, Victor Rakengereza, cette pluie mélangée de grêle et de ce mercredi dans l'après-midi qui s'est abattue sur la colline Tchalire, zone Vitale, commune Bugendana, dans la province de Gitega, a emporté 95 hectares de haricots qui commençaient à pousser. Ce directeur fait savoir qu'il y a aussi d'autres cultures qui n'ont pas du tout résisté face à cette pluie, notamment les bananes, les boutures de manioc ainsi que les patates douces. Il affirme que 45% de haricots nouvellement semés et qui commencé à germer ont été dévastés. Le directeur de la DPAE Gitega dit également que sur la colline de Gitarana, 85 hectares de haricots ont aussi été emportés par cette pluie tout en indiquant que c'est dû au changement climatique. Ce directeur demande aux agriculteurs de ne pas perdre espoir et de s'entraider en se donnant des semences avant que la période de semis ne s'achève et de planter des cultures qui résistent au changement climatique. Cependant, il indique que parmi les priorités, il va réunir des administratifs ainsi que tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'agriculture pour voir ensemble comment venir en aide aux sinistrés de ce désastre. Certains cultivateurs contactés demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide d'urgence en leur donnant de quoi mettre sous la dent, étant donné qu'actuellement ils sont dans une misère. Ils demandent également qu'on leur donne d'autres semences et des fertilisants en remplacement à ceux qui ont été emportés. Arthur Kavabushi, Itega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Quittons Gitega pour nous rendre à Ngozi, où une pénurie d'eau se fait sentir au chef-lieu de cette province. Certains quartiers viennent de passer plus de 4 jours sans aucune goutte d'eau. La Régie des eaux explique que cette pénurie est due à un faible débit des sources qui n'arrive plus à alimenter cette ville car elle continue à s'agrandir. Reportage d'Apollinaire Muzagara. Suite à cette pénurie d'eau qui perdure au chef-lieu de la province Ngozi, les villes indiennes des Groumes et enfants s'observent à destination des bornes et fontaines se trouvant dans les marais entourant la ville d'Ngozi. Cela provoque des conflits entre les chefs de ménage et les Groumes qui peinent à faire des fortes montées avec des bidons d'eau sur la tête. La Régie des eaux indique que cette pénurie est due à un faible débit de ses sources, ne pouvant pas couvrir toute la ville d'Ngozi car cette dernière grossit d'année en année, ce qui pousse, selon les responsables de la Régie des eaux Ngozi, à faire une alternance en approvisionnant chaque quartier après 4 jours. Les ménages qui dépassent cette période sont ceux construits aux endroits les plus élevés du chef-lieu de la province Ngozi, ont-ils indiqué. La Régie des eaux tranquillise néanmoins que ce problème sera résolu prochainement dès la remise officielle des nouvelles sources d'eau en train d'être construites par la société Sogea Satom. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, au Yémen, après 2 ans de guerre, plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. Au Maroc, après la Zambie, la tournée africaine du roi Mohamed VI se poursuit en Guinée et en Afrique du Sud marche ce vendredi contre les étrangers. Les détails avec Alain Désiré Oukienedza. En Afrique du Sud, un collectif d'habitants de l'ouest de Pretoria organise une marche contre les immigrés ce vendredi. Une marche qui se tient sous haute surveillance de la police. Ces habitants protestent contre le gouvernement qui, selon eux, donnerait du travail aux Zimbabwéens et aux étrangers installés en Afrique du Sud. Selon le site de la BBC, de nombreuses ONG d'aide aux étrangers ont demandé au ministre de l'Intérieur d'interdire la manifestation qui, selon elle, ne peut que renforcer les attitudes xénophobes et les attaques contre les étrangers. Le ministre a promis de répondre aux inquiétudes et de faire respecter les lois en matière d'entrée sur le territoire sud-africain et d'emploi. Au Maroc, le roi termine ce vendredi sa visite de travail et d'amitié qu'il a commencé ce jeudi en Guinée. Comme nous le lisons sur le site de la BBC, au menu de la visite de Mohamed VI, qui a signé une pluie d'accords bilatéraux en Zambie quelques jours auparavant, une rencontre bilatérale avec son homologue guinéen est prévue avec la signature de 8 accords de coopération. Mohamed VI doit quitter Conakry cet après-midi pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Au Yémen, la guerre rentrera le mois prochain dans sa 3e année. Ce conflit pourrait se solder par une terrible famine selon l'ONU. Plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence, dont 460 000 enfants. Comme le poursuit le site de la RFI, les parties au conflit, notamment l'Arabie Saoudite, qui dirige la coalition militaire contre les rebelles Houthis, continuent d'entraver l'aide militaire. L'ONU tire donc la sonnette d'alarme, demandant un accès libre et sans entrave à tous les ports de la mer Rouge. Merci Alain Désiré. Et c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à Séraphine Hakizimana pour sa collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Alida Ndaïkeza. Excellent après-midi à tous.